En Corée, on a nouvellement construit des fresques en mosaïque figurant les grands hommes dans diverses unités d'activité de la province du Fang et du Nord. Plus précisément, on a érigé les fresques en mosaïque du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et de Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, à l'hôtel Chongbangsan. La fresque en mosaïque figurant le président et le général récolte abondante, respectivement à la ferme coopérative de Chongbang de la ville de Sarivon et à la ferme coopérative de Ryonghyun de l'arrondissement de Suwon. Le personnel de la mine Holtong a érigé avec toute leur sincérité la fresque en mosaïque du président Kim Il-sung. La cérémonie de dévoilement des fresques a eu lieu sur place.